Genèse chapitre 24. Or Abraham devint vieux et fort avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit au plus ancien des serviteurs de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, « Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Chananéens parmi lesquelles j'habite, mais tu t'en iras en mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Isaac. » Et ce serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays, me faudra-t-il nécessairement ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père, et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé et juré, en disant, « Je donnerai à ta postérité ce pays-ci, enverra lui-même son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour, er mon fils. Que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, ne ramène point là mon fils. » Et le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura suivant ces choses-là. Alors le serviteur prit 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître, et s'en alla, car il avait tout le bien de son maître en son pouvoir. Il partit donc, et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, autant que sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j'aie une heureuse rencontre aujourd'hui, et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiendrai près de la fontaine d'eau, et les filles des gens de la ville sortiront pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, « Baisse, je te prie, ta cruche, afin que je boive, et qui me répondra, « Bois, et même je l'ai, honorerai à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai à cela que tu as été favorable à mon Seigneur. » Et il arriva qu'avant qu'il eût achevé de parler, voici, Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nakhor, frère d'Abraham, sortait, ayant sa cruche sur son épaule. Et la jeune fille était très belle à voir, et vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la fontaine, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle, et lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu à boire de l'eau de ta cruche. » Et elle lui dit, « Mon Seigneur, bois. » Et, ayant incontinent abaissé sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire, et, après qu'elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Ayant vidé promptement sa cruche dans l'auge, elle courut encore au puits pour puiser de l'eau, et elle en puisa pour tous ses chameaux. Et cet homme, ce accent aigu, tonnait d'elle, considérant, sans dire mot, pour savoir si l'Éternel aurait fait prospérer son voyage, ou non. Et quand les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit une bague d'or, du poids d'un demi-sicle, et 2 bracelets pour mettre sur les mains de cette fille, pesant 10 sicles d'or, et il lui dit, « De qui es-tu fille ? Je te prie, fais-le-moi savoir. N'y a-t-il point dans la maison de ton père de lieu pour nous loger ?» Et elle lui répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca, qu'elle a enfanté à Nakhor. » Et elle lui dit aussi, « Il y a chez nous beaucoup de paillers et de fourrage, et de la place pour loger. » Et cet homme s'inclina, et se prosterna devant l'Éternel, et dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a point cessé d'exercer sa gratuité et sa vérité envers mon Seigneur, et lorsque j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit en la maison des frères de mon Seigneur. » Et la jeune fille courut, et rapporta toutes ces choses en la maison de sa mère. Rebecca va, dit un frère, nommé Laban, qui courut dehors vers cet homme, près de la fontaine. Car aussitôt qu'il eut vu la bague et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il eut entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, qui avait dit, « Cet homme m'a ainsi parlé », il le vint trouver, et voici, il était près des chameaux vers la fontaine, et il lui dit, Entre, béni de l'Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors? J'ai préparé la maison, et un lieu pour tes chameaux. L'homme donc entra dans la maison, et on désharnacha les chameaux, et on leur donna de la paille et du fourrage, et on apporta de l'eau, tant pour laver ses pieds, que les pieds de ceux qui étaient avec lui. Et on lui présenta à manger, mais il dit, je ne mangerai point que je n'ai dit ce que j'ai à dire. Et Laban dit, parle. Il dit donc, je suis serviteur d'Abraham. Or l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand, car il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse à mon Seigneur un fils, auquel il a donné tout ce qu'il a, et mon Seigneur m'a fait jurer, en disant, tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Chananéens, au pays desquels je demeure, mais tu iras à la maison de mon père, et vers ma parenté, et tu y prendras une femme pour mon fils. Et je dis à mon Seigneur, peut-être que la femme ne me suivra pas. Et il me répondit, l'Éternel, devant la face duquel j'ai vécu, enverra son ange avec toi, et fera prospérer ton voyage, et tu prendras pour mon fils, une femme de ma parenté et de la maison de mon père. Si tu vas vers ma parenté, tu seras alors quitte de l'exécration du serment que je te fais faire, et si on ne te la donne pas, tu seras quitte de l'exécration du serment que je te fais faire. Je suis donc venu aujourd'hui à la fontaine, et j'ai dit, ô Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si maintenant tu fais prospérer le voyage que j'ai entrepris, voici, je me tiendrai près de la fontaine d'eau. Qu'il arrive donc que la fille qui sortira pour y puiser, et à laquelle je dirai, donne-moi, je te prie, un peu à boire de l'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, et même j'en puiserai pour tes chameaux, que celle-là soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Or, avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, ayant sa cruche sur son épaule, et est descendue à la fontaine, et a puisé de l'eau, et je lui ai dit, donne-moi, je te prie, à boire. Et incontinent elle a abaissé sa cruche de dessus son épaule, et m'a dit, bois, et même je donnerai à boire à tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je l'ai interrogée, en disant, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor, que Milka lui a enfanté. Alors je lui ai mis une bague sur le front, et des bracelets en ses mains. Je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit par le vrai chemin, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant donc, si vous voulez user de gratuité, et de vérité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Et Laban et Bethuel répondirent, en disant, cette affaire est procédée de l'Éternel, nous ne te pouvons dire ni bien, ni mal. Voici, Rebecca est entre tes mains, prends-la, et t'en va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel en a parlé. Et il arriva qu'aussitôt que le serviteur d'Abraham eut leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur tira des bagues d'argent et d'or, et des habits, et les donna à Rebecca, il donna aussi des présents exquis à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils logèrent cette nuit-là, et quand ils se furent levés de bon matin, il dit, « Renvoyez-moi à mon Seigneur. » Et le frère et la mère lui dirent, « Ente, que la fille demeure avec nous quelques jours, au moins 10 jours, après quoi elle s'en ira. » Et il leur dit, « Ne me retardez point, puisque l'Éternel a fait prospérer mon voyage, renvoyez-moi, afin que je m'en aille à mon Seigneur. » Alors ils dirent, « Appelons la fille, et demandons-lui une réponse de sa propre bouche. » Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répondit, « J'irai. » Ainsi ils laissèrent aller Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham, et ses gens. Et ils bénirent Rebecca, et lui dirent, Tu es notre sœur, sois fertile en mille et mille générations, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Alors Rebecca se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux, et suivirent cet homme. Ce serviteur donc prit Rebecca, et s'en alla. Or Isaac revenait du puits du vivant qui me voit, et il demeurait au pays du Midi. Et Isaac était sorti au champ, sur le soir, pour prier, et levant ses yeux, il regarda, et voici des chameaux qui venaient. Rebecca aussi levant ses yeux, vit Isaac, et descendit de dessus le chameau, car elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs au devant de nous ?» Et le serviteur avait répondu, « C'est mon seigneur. » Et elle prit un voile, et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac, toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il la prit pour sa femme, et l'aima. Ainsi Isaac se consola après la mort de sa mère.